Ici se termine en quelque sorte l'introduction de cette histoire. Ce récit est au drame qui le complète, ce que sont les prémices à une proposition, ce qu'est toute exposition à toute tragédie classique. Quand à Paris, une femme a résolu de faire métier et marchandise de sa beauté, ce n'est pas une raison pour qu'elle fasse fortune. On y rencontre d'admirables créatures, très spirituelles, dans une affreuse médiocrité, finissant très mal une vie commencée par les plaisirs. Voici pourquoi se destiner à la carrière honteuse des courtisanes, avec l'intention d'en palper les avantages tout en gardant la robe d'une honnête bourgeoise mariée, ne suffit pas. Le vice n'obtient pas facilement ses triomphes. Il a cette similitude avec le génie qu'ils exigent tous deux un concours de circonstances heureuses pour opérer le cumul de la fortune et du talent. Supprimer les phases étranges de la Révolution, l'empereur n'existe plus. Il n'aurait plus été qu'une seconde édition de Faber. La beauté vénale sans amateur, sans célébrité, sans la croix de déshonneur que lui valent des fortunes dissipées, c'est un Corrège dans un grenier, c'est le génie expirant dans sa mansarde. Une Laïs à Paris doit donc, avant tout, trouver un homme riche qui se passionne assez pour lui donner son prix. Elle doit surtout conserver une grande élégance qui, pour elle, est une enseigne, avoir d'assez bonnes manières pour flatter l'amour-propre des hommes, posséder cet esprit à la Sophie Arnoux qui réveille l'apathie des riches. Enfin, elle doit se faire désirer par les libertins en paraissant être fidèle à un seul, dont le bonheur est alors envié.